me coucher. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. Et salut, on est le mercredi 6 novembre, il est 16h31 et vous êtes sur Radio Dio 89.5 FM et radiodio.org. Vous êtes aussi rediffusé probablement sur Radio Super, une radio du Livre à Doigt, et rediffusé pas en direct sur RDIWA, une radio de la Drôme, au 107.1 autour de Die, 107.5 pardon, autour de Die. Et au 101.7 autour de Luc Andiwa. Mais alors ça, c'est pas en direct la rediffusion, il me semble. Ben, on en profite pour dire bonjour aux copains du Livre à Doigt, de la Drôme et de la région stéphanoise. Aujourd'hui, dans J'irai pas, l'émission antimilitariste sur Radio Dio, on est avec des personnes qui vont nous parler des rencontres antimilitaristes qui se tiendront le 10 novembre, donc ce dimanche, à Saint-Étienne, à la MJC des Tilleuls, 8 rue du Pavillon Chinois. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, super. Oui. Salut. Salut. Salut. Alors, de quoi elle va nous parler cette journée, ces rencontres antimilitaristes ? De quoi vont-elles nous parler ? Eh bien, pour vous présenter un peu la journée, je vais vous lire le texte de présentation d'appel qui a été écrit pour ça, qui s'appelle « La guerre demain ». Alors, des tanks ennemis envahissent un état de l'OTAN. Un événement perturbe un État tiers. La France y installe des bases militaires pour prêter main forte au pouvoir. Des révoltes éclatent en France et doivent être matées. En mai 2024, lors d'un colloque intitulé « La guerre demain », l'état-major a planché sur ces trois scénarios et les manières d'y faire face séparément et en même temps. « La guerre toujours » aurait été un titre plus approprié. Autant les opérations dites de « maintien de la paix » près de 10 000 soldats français sont aujourd'hui déployés à travers le monde dans le cadre des opérations extérieures, que le durcissement et la militarisation de la répression des révoltes sociales, dit les maintiens de l'ordre, sont à l'œuvre de longue date, hier comme aujourd'hui. La guerre ne s'arrête jamais. La paix étatique et capitaliste n'en est jamais une pour tout le monde. La séparation entre l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur n'est qu'une question de choix de tactique. La sécurité n'est que la face civile du contrôle social. C'est le monde dans lequel nous vivons déjà et qui nous insupporte. Toutefois, l'attention portée au premier scénario, que les Bidas désignent comme « guerre de haute intensité », bouleverse effectivement nos perspectives immédiates. Peu importe sa plausibilité, en suivant le schéma tristement familier de la gestion de crise, elle justifie l'instauration d'un état de guerre. De cette instauration, c'est le volet du discours qui saute le plus aux yeux. La propagande médiatique nous bombarde d'images chocs, nous enjoignant à choisir notre camp, quitte à surfer sur le nationalisme des plus fétides. Le langage du pouvoir prend des accents toujours plus orwelliens, entre la formation de plus en plus décomplexée, l'affirmation de plus en plus décomplexée d'intentions sordides et le mélange des genres rendant l'exercice de la pensée difficile. Le SNU est présenté comme un outil d'émancipation et d'engagement citoyen. Dixit, le ministère de l'Éducation en septembre 2024, traduction, embrigadement, marseillaise et levée des couleurs. Le ministre des Armées Lecornu encourage le patriotisme du capitalisme français, à savoir son aptitude à faire du profit sur la guerre et toujours plus d'armes made in France, en circulation dans le monde. L'état-major n'hésite plus à évoquer le potentiel sacrificiel national, etc., etc., etc. Depuis plusieurs années, l'atmosphère militariste monte en pression. L'imaginaire de l'ennemi, assoiffé de sang, couplé à la possibilité réelle de déclenchement d'une guerre mondiale, font grimper le thermomètre de l'angoisse. Celle-ci rend tout un chacun plus vulnérable aux manœuvres de l'État, qui cherche à gagner l'adhésion populaire, Union nationale, pour pouvoir disposer d'une réserve de citoyennes corvéables, prêtes à exécuter ses ordres, au front comme à l'arrière, et à faire oublier que pendant que certaines se font tuer, à la tâche ou sous les bombes, d'autres se remplissent les poches et discutent stratégie dans des salons feutrés. Mais l'instauration de l'état de guerre ne s'arrête pas au seul discours. Plus silencieuse, son infrastructure matérielle, industrie de l'armement et financement public, et la construction d'un cadre légal, resserrant toujours plus l'étau du contrôle, ont aussi fait ces dernières années des avancées considérables. Augmentation sans précédent du budget militaire, via la dernière loi de programmation militaire, aussi appelée LPM, livré A finançant bientôt l'armement, extension récente des possibilités de réquisition, mise à disposition de l'État de l'armée de personnes, biens ou services. Loi sur les ingérences étrangères et aussi dispositions qui accroissent les moyens de surveillance et de répression déployés contre celles et ceux qui oseraient remettre en cause le bien fondé de l'avenir kaki, les traitant en espions, etc., etc., etc. Si ici la guerre de haute intensité demain est encore une question. L'état de guerre, lui, s'installe déjà, se normalise et risque de devenir permanent. Cette normalisation fait rejaillir à la surface plus intensément ce qui existait en basse intensité. Dassault n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour vendre des rafales à toute la planète. Les lobbies et leurs magouilles se développent, les réseaux s'élargissent et les carnets de commandes se garnissent. Industriels, labos de recherche et start-upers se frottent les mains de voir les flux financiers et les fonds publics s'orienter plus franchement vers le meurtre de masse. Cette situation, même lorsque nous en avons conscience, nous sommes beaucoup à ne pas vouloir la regarder de près. De toutes les perspectives accablantes dont notre monde abonde, celle de la guerre est peut-être la plus angoissante. Pas uniquement parce qu'elle dévaste et qu'elle tue, mais aussi parce qu'elle confisque toute possibilité de choix et réduit à néant tout horizon de liberté. La guerre entre États exacerbe leur pouvoir, y compris celui de faire de nous des instruments de leur guerre. C'est certainement cette impuissance que nous voulons garder à distance lorsque nous fuyons ce sujet, trop lourd, trop anxiogène, car sans issue. Nous sommes beaucoup à avoir connu l'état de sidération face à l'étendue du contrôle social déployé par l'État à une vitesse record pendant le confinement à l'occasion de la pandémie du Covid-19. Depuis, au moins, nous avons appris que nous pouvons nous attendre à tout. Pour lutter contre l'angoisse, il y a les cures de magnésium, mais il y a aussi d'autres moyens. Peut-être qu'on pourrait se dire que la peur n'éloigne pas le danger. Pire, qu'elle a tendance à nous faire perdre nos moyens, faisant de nous des proies en puissance pour le premier sauveur venu. Et l'État et ses institutions sont plutôt bien rompus à ce rôle. On peut chercher des sources d'inspiration dans les luttes antimilitaristes du passé. On peut se dire que si l'angoisse paralyse l'action, l'action peut, elle, desserrer l'étau de l'angoisse. On peut partir à la recherche de prises concrètes en se fixant des objectifs atteignables, comme peut l'être celui, par exemple, de ne pas être dupe, de s'entraîner à déjouer l'arnaque qui fait passer la soumission aux ordres pour du courage et le fait d'abandonner tout libre arbitre à ses chefs pour une aventure. Confère pub de l'armée. Bref, résister à l'embrigadement et l'empêcher d'atteindre ses cibles. On peut enfin ne pas taire la colère d'être traité en sacrifiable pour des causes que nous n'avons pas choisies et que nous jugeons abjectes. La course au profit entre industrie de l'armement, le jeu de pouvoir pour le contrôle des territoires, des ressources et des marchés. Et on peut se rencontrer pour discuter de tout ça. C'est pour toutes ces raisons que nous, quelques personnes qui posons ces questions, avons eu l'envie de proposer qu'on se retrouve pour une journée de rencontre antimilitariste, pour y voir plus clair ensemble, pour réfléchir à plein et se poser la question de que faire, sans avoir peur de ne pas trouver de réponse à la hauteur de l'enjeu. Nous ne sommes nous-mêmes expertes de rien, nous voulons donc laisser un maximum de temps et d'espace pour que chacun et chacune puisse s'emparer du sujet. chercher des prises, construire des outils de lutte et faire naître des envies d'agir. Alors rendez-vous le 10 novembre 2024 à Saint-Étienne, à la MJC des Tilleuls, 8 rue du Pavillon Chinois. À partir de 10h. À partir de 10h et jusqu'à 22h. Et ouais, 10h, 22h, ça a l'air, vu la densité du texte, effectivement, quand moi j'ai le tract sous les yeux, quand on voit la longueur de la journée, enfin la densité du texte nous montre la longueur de la journée, quoi, 10h, accueil, 11h, pourquoi on est contre la guerre et pourquoi les États sont pour. Bon, on aura le droit de manger un peu, puis après il y a encore deux exposés, un sur le SNU et les dispositifs d'embrigadement, et un autre sur la militarisation des frontières. Et encore un exposé et des ateliers sur l'industrie de l'armement. Je rebondis juste sur ce que tu disais sur la propagande médiatique, parce que, entre autres, peut-être pour laisser la parole à une autre personne, mais aussi parce que je viens de voir sur le site de RDWA, rdwa.fr, qui veut la mort des radios associatives. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment d'angoisse autour des radios associatives en ce moment, une baisse de subventions significative qui fait planer une sorte d'angoisse aussi sur la fin des radios associatives. Donc tant qu'on est là, profitons-en. Et justement pour contrer cette propagande qu'on voit tous les jours dans les rues, les pubs de l'armée, c'est clair qu'elles sont bien flippantes. Et je crois qu'il y avait une autre personne qui voulait nous parler de la propagande. Oui, alors justement, je rebondis en 3 secondes sur ce que tu disais sur les radios associatives. C'est quelque chose qu'on va... Enfin, on va pas parler plus spécifiquement des radios associatives, mais on va aussi parler d'un nouveau cadre légal qui rend beaucoup de choses compliquées et qui accroît énormément le contrôle sur toutes sortes d'activités. Mais bon, ça, on en parlera un peu plus tard. Et pour ce qui est de la propagande, justement, on a décidé de commencer cette journée en projetant une petite vidéo qu'on a fabriquée à base d'extraits de propagande russe et occidentale, en l'occurrence surtout française. Ce sont des extraits de chaînes télé, diffusés sur des chaînes télé. Et l'idée de cette vidéo, c'était pas de faire une analyse géopolitique fine de la situation, ni de départager le vrai du faux. Ce qu'on y voit est vraiment caricatural, mais ce n'est pas pour autant toujours faux. En tout cas, c'est pas de ça qu'on va parler. Ce qu'on a voulu montrer en choisissant de projeter cette petite vidéo, c'était de donner un aperçu d'un certain nombre de généralités qu'on entend dans les médias très grand public, c'est-à-dire ce sur quoi on tombe quand on clique par exemple sur le premier lien qui sort dans un moteur de recherche ou quand on allume sa télé. Ce sont donc vraiment des banalités, et ces banalités, quand elles sont répétées sous différentes formes et déclinaisons, elles cherchent à modeler l'opinion, et le font, pas seulement en l'habituant à la perspective d'une guerre, mais aussi et peut-être surtout en lui faisant prendre un parti, en la faisant choisir soi-disant son camp, en travaillant le sentiment d'appartenance et cette évidence de l'union face à l'ennemi comme seule réaction possible, puisque c'est, on le sait, soit lui, soit nous, c'est le fameux tuer ou se faire tuer, et puisque l'ennemi en question est toujours présenté comme très très méchant, cruel, inhumain, piétinant nos valeurs et surtout, évidemment, très différent de nous. C'est d'ailleurs en grande partie l'existence de cet ennemi qui a toujours le visage du diable, qui est censé donner de la consistance à ce nous, nation, civilisation, culture, etc., sont nous menacés, censés être menacés, et donc appelés à resserrer les rangs derrière l'État. Bref, c'est vraiment du béaba de la propagande de guerre. Ce qu'on a voulu montrer aussi là-dedans, c'est que ces arguments sont en très grande partie les mêmes dans les deux camps en présence. Nous sommes en danger, nous n'avons pas le choix. D'ailleurs, c'est toujours l'autre qui commence, donc vraiment, on n'a pas le choix. Notre cause est juste, nos valeurs sont les bonnes valeurs à défendre, et c'est dit dans les deux camps. L'ennemi, il a le visage du diable, ça, je l'ai déjà dit, il tue les civils, il n'enterre pas ses morts, il ne soigne pas ses blessés. Nous, on ne fait jamais des choses pareilles, on fait les choses bien, dans les règles de la guerre. Et puis, de toute façon, on va gagner. Donc, ces deux, nous, antagonistes, qui sont censés être très différents l'un de l'autre, eh bien, ils utilisent les mêmes relais psychologiques, même s'il peut y avoir des différences de style, de méthode, etc. Voilà, donc ça donne un peu la couleur de l'atmosphère militariste actuelle, de ce climat militariste de plus en plus pesant. Et ça nous permet d'introduire ce qui nous a motivés à proposer ces discussions, comme ça a été dit dans le texte d'appel, à savoir une impression de plus en plus confirmée par les faits qu'après une succession d'états d'urgence, on vit en ce moment ici l'instauration d'un état de guerre, l'instauration dont la fabrication des camps par les médias n'est que le volet le plus visible. Et comme je disais tout à l'heure, cet état de guerre, il a aussi son infrastructure matérielle, économique, il a aussi son nouveau cadre légal qu'on va détailler un peu plus tard et dont on va parler le 10 novembre. Bah ouais, ça fait 2 ans que Macron il a dit qu'on était en économie de guerre. Et puis il ne s'est pas arrêté là. D'ailleurs, il a parlé de réarmement civique, réarmement de la natalité, réarmement probablement industriel aussi. Et on l'a vu dans la loi qui a été votée en 2023. J'ai eu l'occasion d'en parler dans ces émissions, hein, la loi de programmation militaire hein, dont vous parliez dans l'appel. De 413 milliards d'euros pour les années 2024 à 2030, ce qui constitue une augmentation de 40% par rapport à la précédente, quoi. Et dans cette loi, bah, du coup, ça fait énormément d'argent pour l'armée. Et il y a 50 milliards qui seront dévolus à la dissuasion. Alors la dissuasion, c'est ce concept qui consiste à développer, fabriquer et entretenir des bombes atomiques. Hein. Voilà. Et en passant, les écolos ont beau jeu de parler du côté décarboné du nucléaire. Non seulement il n'est pas décarboné, hein, quand on pense au transport, à l'extraction, au recyclage, à l'enfouissement, mais en plus, il est surtout déshumanisant, quoi, anéantissant une bombe atomique. On a vu ce que ça faisait à 2 reprises à Hiroshima et Nagasaki sur des humains, mais aussi on a vu à peu près à 300 reprises que ça faisait quand la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, quand tout le monde les teste, quand tout le monde les teste dans la nature. Quoi. Oui, l'économie de guerre et la propagande. Si tu parlais de propagande, en fait, elle va être utile à l'économie de guerre parce qu'en fait, les industriels, ils ont du mal à se faire financer par les banques. Vous savez, les banques et populaires à la fois, et ben, ça la fout mal quand elles sont banques et populaires à la fois de financer l'industrie de l'armement. C'est pour ça. Dans les ministères, dans le gouvernement, on pense par exemple à faire financer l'industrie de l'armement par le livret A, effectivement, comme c'était dit dans l'appel. Alors ça, c'est juste en première lecture hein, à l'Assemblée, c'est toujours en première lecture à l'Assemblée, mais on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. D'ailleurs, ils inventent des nouveaux livrets. Là, le dernier de Michel Barnier, c'est le livret d'épargne pour l'industrie. Voilà. Donc celui-ci, il pourrait constituer une manière de filer du fonds, des flux financiers, en fait, à l'industrie de l'armement. Et je crois que je suis allé un peu vite. On parlait de flux financiers, on parlait d'économie de guerre. Ah, tu parlais de matériellement, ce que ça allait changer aussi. Eh ben, matériellement, en fait, il suffit de suivre le déplacement de Lecornu, hein, le ministre des Armées, quand il était, par exemple, à Bergerac pour le renouveau d'une usine de fabrication de poudre, la poudre qui va garnir les obus, quoi. Ou quand il était aussi à Toulouse, chez Delair, une petite entreprise qui fabrique des drones. Elle fabriquait des drones pour le civil, mais maintenant que Lecornu est passé, elle va fabriquer beaucoup plus de drones pour l'armée, quoi. Donc d'un côté, on a l'industrie lourde. Ici, dans cette émission, on a parlé des canons César qui sont faits à Roanne et à Firminy. L'industrie lourde, mais aussi l'innovation avec les drones. Et je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc. Justement, vu qu'on parle d'innovation, la loi de programmation militaire, en fait, c'est 413 milliards. Bon, moi, c'est ma marotte un peu de parler du nucléaire, mais en fait, elle a beaucoup d'autres objectifs. Par exemple, là, si on cite les objectifs qui sont sur le site du ministère de la Défense, de l'armée, des armées, un objectif, c'est renforcer notre souveraineté dans les Outre-mer. Hein, on pense à la Kanaky. Réussir les sauts technologiques en termes d'intelligence artificielle, d'ordinateurs quantiques, dessins de drones, d'unités robotisées. Eh ben, il faut croire que la guerre en Ukraine, elle en a inspiré plus d'un, quoi. À la fois les industriels et les gouvernements. Mais aussi dans les objectifs de la LPM, la loi de programmation militaire, on a accroître les forces morales. On a parlé du SNU, peut-être que vous allez en parler aussi. Rester dans le peloton de tête des services de renseignement, garantir la crédibilité de notre dissuasion, ça j'en ai parlé, et enfin maîtriser les nouveaux espaces de conflictualité. Et alors ça, c'est le cyberespace et l'espace tout court qui est gangréné par le militarisme. Et aussi l'innovation. En fait, on a l'agence d'innovation de défense qui va s'empresser à chaque fois qu'une start-up invente un nouveau joujou de venir le capter. Et en fait, ils sont très, très regardants sur ce qui se passe parce que s'il y a des gens qui cherchent pour eux à leur place, eh ben, c'est tout bénef. Après, on peut récupérer les résultats et on l'intègre à l'agence d'innovation de défense. Alors, ben, j'ai pas lu mes notes, du coup, j'ai parlé un peu comme ça. Je vous ai un peu pris de la parole. Ah, j'avais une petite blague qui disait qu'un canon César, c'est, ça coûte 5 millions et que c'est l'équivalent de 700 ans de RSA. Voilà. Non, et j'ai un autre truc aussi qui est important de dire. Quand on va modeler l'infrastructure militaire, je suis en train de dépasser à fond là. Non, t'inquiète. Je vous laisse parler. C'est ton émission. Ouais. On est les invités. Non, mais tu peux mettre une petite musique, là, si tu veux. Ouais, et d'ailleurs, cette petite musique, elle va nous permettre peut-être aux auditeurs, auditrices qui auraient envie d'appeler, de passer un petit coup de fil au 04 77 25 05 94. 04 77 25 05 94. Et qu'est-ce qu'on écoute, alors ? On écoute une chanson... qui est chantée là par un chœur d'hommes qui s'appelle Les Mécanos et elle s'appelle La Rue des Lilas, cette chanson. Allez, c'est parti. Ce soir je meurs à la guerre. Aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la Rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Plus jamais revoir la dune au matin quand s'effacent mes pas. Jamais plus les cimes et la neige éternelle, les oiseaux bleus brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. J'aimerais tant revoir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis. Danser le napké pour repousser la mort, trinquer la raque jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, de gens qui au profit toujours ceux de gens qui mais toujours ceux ne se massacrent pas ne se massacre la guerre c'est un massacre guerre, mal de gens qui ne se connaissent pas qui ne se connaissent pas de gens qui au profit toujours ceux que gens qui mais toujours ceux ne se massacrent mais pas qui ne se massacre pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas, je m'éteins dans la rue des Super, le cœur final. On est de retour sur Radio Audio 89.5. Bon, je me suis un peu emballé sur l'industrie de guerre. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais peut-être qu'il faudra venir le 10 novembre à la MJC pour en savoir plus. Et juste avant que je m'emballe, d'ailleurs, tu parlais du cadre légal en fait qui était peut-être en train de changer. Est-ce que toi ou quelqu'un d'autre vous voulez en dire plus? Est-ce que je t'ai allumé ton micro? Oui, je crois que c'est bon. Ouais, tu t'entends? Ouais, je m'entends bien. Eh ben oui, sur le cadre légal, ce qu'on peut dire déjà que en France, en tout cas, l'état de guerre, il est défini par un article de la Constitution qui possède les conditions de déclaration de la guerre et d'intervention militaire à l'étranger. Et ce mécanisme permet au gouvernement d'engager des forces armées hors de nos frontières, enfin hors des frontières, tout en nécessitant l'accord du Parlement pour déclarer une guerre, ou la possibilité de débattre, de prolonger l'intervention militaire au-delà de 4 mois. Bon, le contrôle parlementaire, il est encadré, mais ça reste une façade, puisque en général, c'est l'exécutif, soit le gouvernement, soit le président, qui a souvent le dernier mot, et qui a la pleine capacité d'agir, sans validation de ce Parlement. Alors, l'idée, c'est aussi de parler, en termes de cadre légal, c'est la notion de réquisition. Les réquisitions, c'est un instrument de coercition par lequel l'État peut forcer les citoyens, mais aussi les entreprises, à fournir leurs services, leurs ressources matérielles et humaines pour l'effort de guerre. Alors, ces pratiques trouvent leurs racines dans la Révolution française, où la conscription des jeunes hommes a marqué le début de l'intervention de l'État dans les vies privées pour assurer la défense nationale. Alors, cette forme de réquisition s'inscrit dans une continuité de mécanismes de contrôle de la société par le pouvoir, où l'État utilise sa légitimité pour imposer des sacrifices sous le prétexte fallacieux de sécurité. Et aujourd'hui, cette réquisition, elle est cadrée, régie par, donc on en a parlé, hein, la loi de programmation militaire de l'année dernière pour la période 2024-2030, et qui élargit même le champ d'application de cette réquisition, affectant non seulement les individus antérieurement, mais aujourd'hui les entreprises, les industries, les collectivités. Alors, les réquisitions, elles visent à renforcer la capacité de mobilisation de l'État en période de crise, soi-disant, qu'elle soit sur le territoire français ou à l'étranger. Elles concernent tous les citoyens, quel que soit leur âge ou leur sexe, et peuvent toucher tous ceux qui sont jugés physiquement et mentalement aptes. Alors, c'est une notion aussi qui s'étend aux entreprises qui sont obligées de fournir des biens, des services, d'employer leur personnel ou de rendre disponibles leurs infrastructures à l'effort de guerre. Alors, cette loi donne au gouvernement des pouvoirs plus forts pour déclencher des mesures par simple décret. On en parlera des deux décrets qui en découlent. Et ils définissent à la fois les territoires concernés et les entreprises qui peuvent être mobilisées. Alors, l'argument de crise actuelle ou prévisible est suffisamment large et utilisé pour justifier ces actions. Mais la notion d'urgence est floue et elle ouvre donc la voie à des interprétations arbitraires, voire autoritaires. Alors de cette manière, le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, se donne la possibilité de déclencher des mesures exceptionnelles à tout moment. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis donc la Révolution, l'État a cherché à mobiliser à la fois la population en temps de guerre, mais aujourd'hui, la loi de programmation militaire, elle élargit ce champ d'action et ouvre la porte à une réquisition généralisée. C'est une situation qui est renforcée par à la fois la faiblesse des définitions des types de menaces qui justifieraient ces mesures de réquisition. Elles permettent au pouvoir d'agir de manière à la fois discrétionnaire et potentiellement sans fondement. La notion notamment de proportionnalité, bien qu'elle soit inscrite dans la loi, elle devient un principe vide lorsque l'urgence est invoquée. Comme ce fut le cas lors de la crise sanitaire de la Covid-19, même si la loi n'était pas tout à fait la même à l'époque, où on s'en souvient des mesures exceptionnelles furent appliquées sans plus avant de justification. Alors les réquisitions, elles sont à la fois dangereuses pour la population, elles n'établissent pas de limites claires concernant qui est concerné. Tous les citoyens sont potentiellement mobilisables, tout comme les entreprises et surtout celles des secteurs de la technologie, des transports, logistique et de l'industrie. Donc ça fait pas mal de monde qui pourrait bosser n'importe quand. Quoi. Alors après, on attend la loi, elle est large au niveau de ses définitions. Par contre, c'est les décrets d'application qui viennent préciser justement. Justement, j'en parlais. Donc il y a deux décrets, celui du 29 mars, celui du 1er octobre 2024, donc cette année, et qui précise et étend les pouvoirs d'intervention de l'État en imposant notamment des réquisitions aux entreprises de défense et en régulant les mesures à prendre en cas de crise. Le premier décret qui concerne les entreprises du secteur de la défense les oblige à constituer un des stocks stratégiques et deux à donner la priorité à certaines prestations militaires pour l'État. Celui du 1er octobre, lui, il fixe le cadre juridique pour la mise en œuvre des réquisitions en cas de besoin pour la défense et la sécurité nationale. Alors, ces décrets sont loin d'être des mesures de sécurité très rationnelles et ils reflètent surtout et avant tout un renforcement des structures de contrôle et de domination de l'État. Donc voilà, après il y a... Là, c'est succinct, hein. On pourra en rediscuter justement le 10 de manière un peu plus précise. On pourrait aussi évoquer comme type de réquisition donc la réserve industrielle de défense. Enfin, la formulation est un peu... permet notamment, c'est ça la... Ah oui ouais. Non, pardon. Moi, réserve opérationnelle ouais. industrielle réserve de défense. Réserve opérationnelle industrielle de défense. On a le cas dans la région stéphanoise. Tiens. Voilà, Vernet-Caron est la deuxième ou première entreprise de France à signer une convention avec la Direction Générale de l'Armement et des employés qui seraient prêts une partie de l'année à donner leur temps pour participer à la production d'armement. On pourra évoquer aussi ces questions-là samedi. Donc vous êtes tous bienvenus à partir de 10h. C'est dimanche. Dimanche. Ah, oui, tu as raison, merci Billy. Donc dimanche à la MJC des Tilleuls. Et si je peux compléter un petit peu ce que j'ai compris de ces modifications du cadre légal concernant les réquisitions, c'est qu'avant, tout ça ne pouvait s'activer qu'en cas de guerre et que ce qui a changé, c'est que le deuxième décret dont tu as parlé, il précise aussi les conditions pour activer un certain nombre de dispositifs par temps de paix, à savoir notamment tout ce qui est exercice. Donc, en gros, les personnes considérées comme réquisitionnables selon leurs compétences ou selon leurs... D'ailleurs, c'est précisé technique, physique ou psychique. On ne sait pas trop bien ce que ça veut dire. Et bien, ces personnes elles pourraient être appelées à des exercices. C'est même dit texto de jour ou de nuit. Et donc, ils ne peuvent pas se soustraire à ces obligations. Et aussi, il y a tout ce qui précise les mesures de recensement. Oui, des biens de personnes et des services réquisitionnables. Ouais, voilà. Et puis c'est vrai que justement, de toute façon, la France n'a pas été en état de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, l'État français a fait plein d'opérations à l'extérieur. Donc oui, ils élargissent puisqu'ils sortent de la notion d'état de guerre pour justifier ces réquisitions. Et ça peut être en cas de crise. Respecter les engagements internationaux dans le cadre d'alliances militaires, comme par exemple l'OTAN. Oui, tout à fait. Voilà. Et j'enchaîne ou est-ce que... On était toujours sur le cadre légal. Je crois que tu avais des choses à dire aussi. J'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Comme on voit, une des conséquences classiques de la guerre, on a parlé de tout ce qui est économique, mais c'est aussi le durcissement de la répression et du contrôle social. Et alors là, ça chatouille encore un peu plus parce qu'il s'agit de mettre en place, encore une fois, un cadre juridique dit approprié, c'est-à-dire renforçant les moyens de surveillance, de contrôle et de répression. Et cette mise en place a déjà commencé. Alors, vous avez peut-être suivi ces arrestations et emprisonnements en Russie, évidemment, de militants, et d'ailleurs pas seulement de militants, des arrestations pour cause de complicité avec l'ennemi, présumé. C'était des agents de l'étranger, non ? Voilà. Donc, par exemple, une danseuse qui vit aux États-Unis et qui se fait arrêter quand elle traverse la frontière, donc quand elle arrive en Russie pour voir sa famille, elle se fait arrêter parce qu'elle aurait versé de l'argent à une organisation caritative ukrainienne. Bon, à chaque nouvelle de ce style, les médias occidentaux criaient à la dictature. On ne peut pas vraiment dire qu'ils avaient tort. Hein. Eh bien, on dirait bien que ce genre de choses est désormais aussi possible en France. Juste avant que l'Assemblée nationale ne soit dissoute l'été dernier, elle a adopté une loi qui est passée plutôt inaperçue. C'est la loi Houllier sur les ingérences étrangères, donc qui a été publiée le 25 juillet. Cette loi, elle définit les modalités de fichage, de contrôle, de surveillance et de répression de tout ce qui est tentative d'ingérence étrangère, et on craint bien que les critères d'appréciation de ce qui constitue ou pas une ingérence soient encore une fois plus que flous. Alors, le contexte qui a médiatiquement du moins motivé l'adoption de cette loi, c'est la découverte de ce qui a été qualifié de campagne de désinformation menée par le pouvoir russe. Alors, désinformation, ça commence d'ailleurs par la simple propagande, mais quand la propagande, elle prêche pour le camp d'en face, eh bien, ça devient de la désinformation, bien sûr. Mmh. Bon, il y a d'autres choses aussi. Il y a toute une diffusion de fake news par des faux sites, enfin bon, etc. Passons. Aussi, toujours dans ce contexte, plus particulièrement au printemps, il y a eu toute une vague de tags à Paris notamment et autour, des tags aux messages pas forcément toujours clairs, en tout cas pas tous, certains non, certains oui, comme par exemple des cercueils de soldats français avec des ailes, donc là c'est un peu plus évident. Tous ces tags, alors pardon, ces actions de déstabilisation, eh ben, elles ont été attribuées à la Russie, donc qualifiées d'ingérence étrangère. Ça a été dit qu'il y avait tout un réseau de Moldaves russophones qui seraient payés par des commanditaires pro-russes pour faire ces tags. Alors, plusieurs de ces personnes de nationalité moldave ont été arrêtées, et notamment deux d'entre elles, ont été placées en détention provisoire au motif de dégradation, bon, ça c'est normal, mais aussi, attention, de démoralisation de l'armée. Alors ça, selon les avocats de ces personnes, c'est du jamais vu depuis la guerre d'Algérie. D'ailleurs, leurs avocats n'ont pas réussi à les faire sortir de la détention. Ils n'ont pas non plus réussi à requalifier le chef, le motif pour lequel ils ont été mis en détention. Ouais. Juste pour précision, ces personnes sont accusées d'avoir fait des tags au pochoir sur les façades de l'AFP et du Figaro. Et les tags, ça disait « Arrêtez la mort en Ukraine ». Donc, en gros, c'est plutôt un message pacifiste qui n'est même pas spécifiquement pro-russe. Mais bon, passons. Donc ça, c'était avant que la loi Houllier soit adoptée. Mais aujourd'hui, on peut imaginer que ces personnes auraient en plus écopé sans doute aussi d'accusations d'ingérence étrangère. Alors concrètement, oui, qu'est-ce que... Ouais, oui, non, mais parce qu'en fait, on avait déjà parlé de ces personnes et en fait, on ne sait toujours pas comment s'est tenu leur procès et ce qu'elles ont pris finalement. On sait qu'elles ont été en détention provisoire avant leur procès, mais on ne sait pas ce qu'a donné leur procès. Comme ça donne des nouvelles aux auditeurs, auditrices qui demandaient des nouvelles. Parce qu'on ne sait même pas si leur procès s'est tenu. Enfin, oui, en tout cas, oui, moi, je ne le sais pas. Ouais, non, moi non plus. Et alors, du coup, si on revient à la loi Houllier, qu'est-ce qu'elle change concrètement? Alors déjà, elle crée un registre national d'activités d'influence et oblige toute personne physique ou morale agissant pour le compte de l'étranger de déclarer ses activités d'influence sur les décisions ou sur les politiques publiques en France. Par exemple, rentrer en contact avec des élus, des décideurs publics de tout poil. Ça va des dirigeants de partis politiques, anciens présidents, candidats aux élections, etc. etc. Ces activités, ça peut être aussi réaliser des actions de communication, sans précision, collecter de l'argent ou inverser sans contrepartie. Alors là, par exemple, on peut imaginer si une association, notamment, surtout si c'est une association dite d'intérêt public, eh bien, si une association reçoit de l'argent d'une fondation étrangère, elle doit désormais déclarer ce fait. Alors, cette nouvelle loi, elle établit aussi un contrôle plus strict des investissements étrangers et elle permet à l'État de geler, en cas d'ingérence étrangère, toujours, les fonds et les ressources économiques des personnes physiques ou morales ou toute autre entité. Donc, encore une fois, ça peut être une association. Ça, c'est pour le volet financier. Et ensuite, il y a le volet renseignement. Et là, ça se corse. La loi Houllier autorise les services de renseignement à utiliser les traitements automatisés de données. C'est ce qu'on appelle la surveillance algorithmique. Jusqu'à maintenant, cette technique, elle était réservée à la prévention du terrorisme. Et déjà là, c'était pas très clair, puisqu'il n'y a pas de définition claire de ce que c'est qu'un terroriste. On en devient assez vite un, éco-terroriste, par exemple, comme on a pu entendre, ou encore personne faisant apologie du terrorisme quand, par exemple, on dénonce les bombardements israéliens ou quand on prend une position en faveur de la Palestine. Donc, il y a déjà eu des poursuites avec ces chefs d'inculpation. Pour l'ingérence étrangère, eh bien, on peut imaginer que ce ne soit pas très différent, puisqu'on sait qu'en temps de guerre, eh bien, tout le monde est un espion présumé. Alors, pour l'instant, cette surveillance algorithmique, elle est autorisée pour cette finalité d'ingérence étrangère qu'à titre expérimental et que pendant 4 ans. Mais bon, on connaît bien la chanson. Mmh. Pour le terrorisme, c'était pareil. C'est devenu, ça s'est pérennisé. T'as d'urgence permanente. Aussi voilà. pour l'ADN, pour tout un tas de trucs qui étaient juste... Oui, le FNAEG, oui. Mmh. Ouais. À la base, c'était pour les pédocriminels. Mmh. Ouais. Et ça s'est élargi après. Mmh. Et encore un petit détail, si on croit la Quadrature du Net, qui est une association qui lutte contre la technosurveillance, qui est composée d'informaticiens, mais aussi de pas mal de juristes, eh bien, il ne s'agit pas que des données de connexion sur Internet, quand on parle de surveillance algorithmique. Ce dispositif, que la Quadrature du Net appelle « boîte noire », consiste à surveiller l'intégralité des éléments techniques de toutes les communications de la population, c'est-à-dire aussi des communications téléphoniques, et pour savoir qui contacte qui, comment, quand, etc. Et... c'est comme une espèce de gros filet de pêche dont l'objectif est de détecter automatiquement des profils effectuant des actions suspectes. Et ensuite, ces profils ciblés vont être suivis plus spécifiquement par des agents du renseignement. Et ça, c'est dans la loi aussi ? C'est selon la Quadrature ? Alors, ce que dit la Quadrature, elle détaille un peu le dispositif de la surveillance algorithmique. Alors, les lois, c'est assez compliqué. Enfin, au fait, ça... leur langage, elle n'est pas aussi limpide. Disons qu'il faut remonter un peu plusieurs textes de loi pour le comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je cite la Quadrature. Moi-même, j'ai pas vérifié jusqu'au bout à quel point c'est le cas, mais je pense qu'on peut leur faire confiance. Donc, si on résume, si on appelle régulièrement des proches résidant à l'étranger, encore pire si c'est la Russie ou la Chine ou l'Iran ou la Turquie, ça, c'est les pays un peu plus ciblés par la loi. Enfin, là, pour le coup, c'est dit dans l'exposé des motifs. Petite précision, étranger, c'est tout ce qui n'est pas européen. Eh bien, et donc, du coup, si on appelle souvent des proches, eh bien, c'est dans ces pays-là. Probablement, c'est un peu mal parti pour nous en termes de profil. Ici, en plus, on a eu la bonne idée de faire un tag contre la guerre, par exemple, et qu'on se fait arrêter, eh bien, on risque de devenir un agent de l'étranger aux yeux de l'État et être jugé comme tel. Alors là, c'est vraiment pas la fête. Et c'est pas la fête parce que la loi Houllier, elle a modifié aussi le code pénal pour augmenter les peines d'infraction pénale commises pour le compte d'une entité étrangère, toujours la même histoire. C'est une nouvelle circonstance aggravante qui monte toutes les peines d'un palier, donc ça peut aller jusqu'à la prison à vie. Et ce même article autorise aussi, dans le cadre d'enquêtes autour de ces infractions, l'utilisation de techniques spéciales d'enquête, comme l'infiltration, la captation de données, les écoutes, les balises GPS, etc. etc. Voilà, je vais peut-être raccourcir un peu ce que j'ai prévu de dire, mais juste pour donner un autre exemple, on a pu lire, on a pu lire cet été dans le Canard enchaîné que 1800 civils et militaires ont été mobilisés pour mener des enquêtes autour des attaques subies par des entreprises travaillant pour le secteur de l'armement en France, notamment par des sous-traitants de Thales. Alors ces attaques, elles seraient de nature très diverse, ça va de cambriolage au sabotage, mais elles semblent toutes être considérées a priori comme relevant d'ingérence étrangère. Donc les enquêteurs vont chercher des connexions avec la Chine et avec la Russie. Autant dire que ça va assez vite. Il n'y a évidemment absolument aucune raison de s'attaquer à l'industrie de l'armement. Tout ce que tu viens de dire, merci. Tout ce que tu viens de dire, ça donne envie de passer à un morceau. À moins que tu voulais dire quelque chose. On passe ce morceau qui s'appelle, qui est bien nommé, qui s'appelle Subversion contre surveillance. Du collectif Marie Reed. Du collectif Marie Reed, yes. Et on peut rappeler le numéro de téléphone d'ailleurs pendant le morceau, c'est le 04 77. 25 05. Ah oui, il est écrit là, 94. c'est beaucoup mieux que de me tordre le cou. Donc 04 77 25 05 94. À bientôt et bonne écoute. Vous avez confié le maintien de l'ordre à un connard. C'est parfait, le maintien de l'ordre, c'est un boulot de connard, ça tombe bien. CMR, collectif Marie Reed. Quel quelques lignes de plus dans les dossiers d'Interpol, quelques signes de plus qui soulignent le contrôle, quelques recrues de plus, échelon RG Europol, quelques cellules de plus. Le capital construit les tôles, ouais, c'est là leur monde entre le strass et la crasse. Et ils filment et matraquent sur la Copenhagenstrasse. N'ont pas de place pour celui qui sort du rang, à part dans l'un de leurs multiples camps d'enfermement. Le suivant sera à ciel ouvert, CCTV dans les rues, CRS dans les TER. Ils incitent à la surveillance, la délation comme sous Vichy. Et bien sûr ce n'est jamais leur faute, comme à Sarcelles ou à Clichy. Ils abreuvent de clichés, la propagande sur les écrans, craignent pour sa sécurité et accepter leur armement. Toute révolte ils peuvent l'acheter au prix d'un confort déprimant. Sinon ils ont des cachets, des seringues et des calmants. Subversion comme surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence. Encore des mensonges et des ellipses en accord avec ceux qu'ils élisent, font des scores par la haine qu'ils attisent et décorent les majors de la bêtise depuis longtemps. La presse indépendante est enterrée depuis longtemps. La chasse aux dividendes est commencée, évidemment. Évidemment, faut pas le dire, continue tout gober, ils peuvent toxir la tombe. Dana n'a rien de beau à prédire, les bombes charia et dictature me font frémir. Ils nous disent comment penser, comment bouffer, comment mourir, comment mourir. Ils méritent avec leurs principes de précaution, leur tout sécuritaire et pourquoi pas l'extrême onction. Tant qu'ils y sont, ils nous fliquent à chaque carrefour, même tu flippes. Quand tu sors de ta cour, ils nous mettent la pression comme à la bête. Traqués de la chasse à cour, on maintient nos intentions et on tient tête, non par haine mais par amour. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence. Putain, y'a des hélicos dans le ciel, des flics plein la rue, la paranoïa devient démentielle. T'as vu, t'as cru pouvoir esquiver, mais affronter devient essentiel. L'horreur de la réalité, elle, s'est accrue. Bien plus que ce que t'as cru, ça devient ardu. Le choix entre la prison et l'apathie, entre les matons et la patrie. Quand je l'ai su, j'ai pas pleuré, j'ai pari. Depuis, je vois que ça part en couille de Los Angeles jusqu'à Paris. Alors je me blinde et reste conscient du danger. Pour une manif ou un concert, tu peux manger. Leurs chiens sont toujours prêts à être lâchés. Faut pas s'étonner, dès le matin on veuille les clasher. La classe est qu'ils endorment tout le monde à coups d'air ou de cachet. Cherche même pas à te cacher au dossier dangereux dans leur fichier t'es classé. Pas d'autre issue ici, que de se faire casser. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Surveillance. Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Allô, allô. Désolé, j'ai laissé passer la fin du morceau, je crois. C'est ça qui s'est passé ? Du coup, je suis avec Aline au téléphone. Qui, bonjour Aline. Bonjour cher animateur, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Est-ce que tout le monde s'entend bien ? Ouais, c'est super. Alors c'est à moi ? Vous m'entendez ? C'est bon, ça passe ? Vas-y. Ouais, ça sature un peu, vas-y. Je te laisse régler tout ça, cher technicien. Et moi, je voulais vous parler un petit peu de poésie très vite et profiter que le journal CQFD numéro 235 du mois de novembre actuel fait sa dernière page sur des poèmes gazaouis, puisqu'il parle de la publication d'un livre publié par la franco-palestinienne Nada Yafi et qui traduit des poèmes écrits par des Gazaouis avant et après les attaques du 7 octobre. Ce livre s'appelle « Que ma mort apporte l'espoir » et il est publié chez Libertalia dans la collection Orient 21. le premier poème que j'ai choisi de vous lire. Et donc, il y a 5 poèmes qui sont publiés par CQFD que vous pouvez retrouver en kiosque. Je vais vous en lire 2. Le premier s'appelle « Une autre cité » par Iba Abou Nada. C'est un post Facebook du 16 octobre 2023, 3 jours avant que Iba Abou Nada ne périsse sous les bombes. Là-haut, en ce moment, nous bâtissons une autre cité, avec des médecins sans blessés et sans saignement, des enseignants sans classe submergée et sans cris sur les enfants, des familles sans souffrance et sans peine, des journalistes qui décrivent l'Éden, des poètes qui écrivent les amours éternels. Ils sont tous de Gaza, tous. Au paradis, il y a une Gaza nouvelle, sans blocus, qui prend forme en ce moment même. Le deuxième poème que j'ai choisi de vous dire s'appelle « Être mère, M-E-R-E, être maman, à Gaza » par Niamat Hassan, poétesse. C'est un poème écrit le 26 octobre 2023, sous les bombardements. Il est diffusé sur Facebook dans la série des vidéoclips « This is Gaza Literary Texts ». Être mère à Gaza, c'est ne pas dormir, c'est tendre l'oreille dans le noir, tâter ses moindres franges, trier un à un tous les sons, en choisir un, de quoi créer un conte à sa mesure, en faire une berceuse, et quand tout le monde dort, se dresser comme un bouclier face à la mort, être mère à Gaza, c'est ne pas pleurer, c'est ramasser la peur, la colère et les prières à plein poumon. Attendre que les avions finissent de rugir pour libérer le soupir. Être mère à Gaza, c'est ne pas pouvoir être comme les autres mères. C'est faire du pain frais grâce au sel de ses yeux et voir ses tout-petits mangés par la patrie. Voilà, donc il y a encore 3 autres poèmes qui sont dans le CQFD de ce mois et puis une 50aine qui sont publiés dans « Que ma mort apporte l'espoir » traduit par et présenté par Nada Yafi et publié chez Libertalia. Merci pour votre attention et j'en profite pour dire que le journal CQFD qui sort en ce moment fait sa couverture et puis de son dossier, une longue interview d'une militante sous le titre que j'adore « Bombe rasier de Fort-de-France ». Voilà, là, c'est plus un poème, c'est une chanson. Ça en dit long. Merci beaucoup, Aline. Mais merci à vous pour l'attention, pour l'écoute et à tout bientôt. Est-ce que. Au 10 novembre. Pardon ? Au 10 novembre. Ah, ben oui. Si j'ai bien compris, est un dimanche. Oui, voilà, c'est ça. Et je crois que tu voulais annoncer aussi un truc qui se passe... Mais c'est vrai, heureusement que tu es là, que serait cette émission. il y a effectivement à la Chaise Dieu le 13 novembre, qui est un mercredi, à 18h30, du coup la Chaise Dieu en Haute-Loire, un documentaire sur des champs de résistance au franquisme. Donc c'est au Brise-Glace, 18 avenue de la Gare à la Chaise Dieu. C'est à 18h30, le mercredi 13 novembre, et le goûter est offert. Super, super pour la suite du programme, c'est très bien. Eh ben merci, je reprends l'écoute sur internet. Ça marche, merci et à bientôt peut-être en direct aussi dans cette émission, avec plaisir. Oui, bien sûr. Bonne fin d'émission. Salut. Merci. Salut. Alors les enfants mangés par la patrie, ça nous inspire. Et là, je crois que je parle encore à Aline. Je vous parle aussi, non ? Oui, on t'entend très bien. Ok, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui voulait parler d'embrigadement. Oui, c'est un sujet qu'on abordera de manière un peu plus spécifique dans l'après-midi de dimanche, notamment autour du SNU, mais pas que. Donc justement, le Service National Universel, je ne vais pas forcément faire une présentation précise, dans le sens où aujourd'hui il est remis en question fortement, s'il y avait les volontés de généralisation de ce service, mais qui au niveau budgétaire est en train de se casser la figure au niveau des choix budgétaires de l'État. En tout cas, il y a de nombreuses critiques de ce programme et en plus, les chiffres officiels viennent souligner qu'il y a une adéquation entre les objectifs et la réalité du terrain. Notamment le rapport de la Cour des comptes qui a récemment révélé qu'il y a un taux de désistement de 28% parmi les participants. Et ce chiffre est quand même significatif, surtout quand on considère que ce taux est censé refléter l'intérêt des jeunes pour un programme imposé par le gouvernement. Alors ce taux de rejet est d'autant plus inquiétant qu'il est difficile d'ignorer l'énormité des coûts qui pourraient être associés à celui-ci. Donc il avait été estimé entre 3 et 5 milliards d'euros par an s'il était généralisé à toute une génération. Donc un chiffre qui dépasse largement tout ce qui peut être investi en éducation et qui suscite notamment des interrogations sur son efficacité. Alors au lieu de résoudre des problématiques réelles de notre système éducatif, il semble que l'État préférerait, même si aujourd'hui ça a du plomb dans l'aile, investir dans des programmes militaires déguisés. Alors, ouais, par exemple, la baisse de subventions aux radios associatives, c'est 10 millions d'euros hein, comparé aux 3 milliards pour le SNU. C'est rien du tout. Encore 3 milliards, je crois que même la Cour des comptes disait 3 milliards et demi, mais bon, ouais. Hein, on n'est pas à 500 ouais. millions près. Et donc, il y a plusieurs voix qui s'élèvent face à ce constat et qui dénoncent ce qui apparaît comme tentative d'embrigadement. Et pourtant, le SNU a quand même trouvé, d'un autre côté, une large base de soutien, on va dire. Et notamment au sein de certains acteurs éducatifs, sociaux ou politiques. Il y a des professeurs, des conseillers d'orientation, des influenceurs et même certains milieux associatifs qui participent, comme notamment le planning familial, étonnamment, et qui se retrouvent donc associés à cette dynamique. Leurs actions, qui sont censées être pédagogiques, risquent paradoxalement de légitimer en fait, le programme en dépit de ses dérives. Et tout cela contribue à une sorte de normalisation progressive du SNU au sein de notre société. Mais en fait, le véritable problème, il ne réside pas dans ces scandales qui ont éclaté depuis le début de l'expérimentation, mais aussi, notamment, dans la manière dont ce SNU s'est inscrit dans un processus de militarisation qui est plus global, d'embrigadement, en fait. Ce programme, loin de représenter une initiative isolée, en fait, fait partie d'une dynamique beaucoup plus large et dans laquelle on trouve l'armée qui s'introduit insidieusement dans le monde de l'éducation. Il n'y a pas que le SNU, alors? Ah non, il n'y a pas que le SNU, c'est juste la partie émergée de l'iceberg de la militarisation. Alors, il existe en effet une longue tradition de coopération entre armée et éducation nationale. Et cette relation, bien que souvent masquée, en fait, on la trouve à travers différents programmes qui sont portés au sein de l'éducation. Ça s'est institutionnalisé au fil des années, notamment par exemple en 82 avec le protocole Ernu-Savary du nom des ministres de la Défense et de l'Éducation de l'époque. D'ailleurs, à l'époque, c'était ministre de la Défense, je crois, et aujourd'hui, c'est ministre des Armées. Pensez-y. Alors ce protocole visait explicitement à favoriser les relations régulières entre militaires et enseignants, et ce n'était pas vraiment un document anodin puisque c'est un véritable programme de collaboration entre les ministères. Alors depuis lors, cette relation a évolué, s'est approfondie, souvent dans l'ombre, mais la récente nomination n'est pas anodine non plus, que la ministre de l'éducation, dont j'ai oublié le nom, Gente, important. Non, mais elle faisait partie de la commission de la défense nationale et elle siégeait à l'OTAN aussi. De nos jours, donc, il y a de nombreuses initiatives. Il y a notamment les classes défense, qui c'est un dispositif qui consiste à faire parrainer une classe de collège, donc 3e ou 4e, par une caserne, afin d'organiser notamment des sorties communes ou des activités pédagogiques en lien avec les missions de l'armée. Et ça, c'est devenu courant. Il y a aussi des sorties de cérémonies officielles, comme des recueillements devant des monuments aux morts, enfin, un monument de guerre, quoi. Renforce l'idée de devoir de mémoire. Enfin, vous verrez, il y a plein de concepts comme ça, esprit de défense, devoir de mémoire, résilience, engagement, etc., qu'on retrouve un peu tout le temps dans le vocabulaire de ces trucs. Dans la loi de programmation militaire, il parlait des forces morales. Voilà, les forces morales. Ouais. Bah oui, mais d'un autre côté, quand il y a eu le Covid-19, on était en guerre aussi déjà. Il y avait des héros du quotidien. Oui, aussi, voilà. Il y a enfin un autre dispositif, enfin, il y en a d'autres, hein, mais un qui est méconnu, c'est le trinôme académique, et qui réunit un recteur d'académie, un militaire et un membre de l'Institut des hautes études défense nationale. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler, je pense, dimanche, je vais y arriver, le 10 novembre. Et voilà, mais voilà, je vais rester succinct parce qu'on leur tourne. Donc voilà, sur les questions d'embrigadement, on en parlera dimanche après-midi. Ça marche. Venez nombreux. Merci. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on s'autorise de dépasser un petit peu ? En fait, je crois qu'on avait très envie de passer le morceau de Michel Fugain, Les Gentils, les Méchants. Mais peut-être qu'on a d'autres choses à dire. Enfin, en tout cas, je sais qu'on a prévu d'autres choses à dire. Donc, si vous voulez, on peut essayer de continuer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mais ça y est. Oui, on peut parler peut-être encore 3-4 minutes et ensuite on passe le morceau de Michel Fugain. Allez, ça marche. Donc, merci d'avoir développé tous ces points. Et ça pose la question plus globale de pourquoi on est contre la guerre théoriquement, quoi. Globalement, en fait, on a vu plein d'aspects, l'embrigadement, la loi, l'industrie, etc. Mais peut-être qu'on a d'autres choses à dire. Sur pourquoi on est contre la guerre. Je pense qu'il y a pas mal d'aspects qu'on a envie d'aborder et dont on va parler le 10 novembre. Ouais. Mais si, pour être succinct, je pense qu'il y a des questions théoriques, enfin, en tout cas, qu'on a envie de théoriques dans le sens face à cette réalité qui nous semble horrible et face à laquelle on... Enfin, une réalité très anxiogène, on a envie de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on va. Et pour ça, il faut développer, je pense, une pensée commune. Et l'idée de se retrouver là, c'est d'arriver à discuter de tout ça et d'arriver à se comprendre et arriver à porter un discours commun, ou enfin, en tout cas à échanger pour que ce soit moins anxiogène et qu'on ait l'impression d'avoir un peu plus de prise sur ce réel. Et du coup, d'un côté, il y a ce truc de... On est dans un endroit où... Enfin, la guerre, elle se fabrique pas juste à l'autre bout du monde. Elle existe autour de nous, elle se fabrique ici. Et du coup, ça, c'est un aspect qu'on va discuter sur la question de l'armement. Mais il y a aussi comment on fait pour parler de la guerre autour de nous, comment on fait pour se donner de la force. Et du coup, il y a plein de choses contre lesquelles on est et que la guerre... Elle exacerbe et du coup on a envie de parler de ça aussi, de parler de qu'est-ce que c'est en fait au-delà de matériellement ce que c'est que la guerre, qu'est-ce qu'elle transmet comme chose. Et du coup on a envie de dire qu'on était on est contre cette question d'être obligé de participer au conflit et de devoir choisir un camp. Et du coup, ça, c'est une idée qu'on a envie de développer. En fait, on n'a pas envie de choisir un camp ou l'autre camp, on a envie de trouver une manière de penser ensemble pour faire autre chose que ça. Et de parler de comment la guerre, en fait, elle profite toujours aux mêmes personnes. Elle profite toujours aux dirigeants, aux États, aux entreprises capitalistes, et que c'est toujours les mêmes qui se retrouvent devant les fusils, les pauvres, les révoltés, les récalcitrants, les gens les oisifs, qui ne veulent pas travailler, enfin, tout un tas de personnes qui se retrouvent dans cet appareil répressif quand la guerre, elle éclate et quand l'État met en place, développe son économie de guerre. Mais aussi qu'on a envie de parler de colonialisme et d'impérialisme, et que les guerres, elles sont toujours tournées vers ça, même si elles n'ont pas ce nom-là. En fait, c'est toujours ça qui se passe, c'est-à-dire vouloir s'accaparer des ressources, des terres, des territoires et des êtres humains et de la main-d'œuvre. Et du coup, c'est toujours une forme de colonialisme qui est sans cesse renouvelée et qui est sans cesse... qui a une autre forme aujourd'hui, mais qui est toujours celui-là. Et du coup... aussi parler de la guerre, c'est aussi l'image qu'on donne de notre ennemi. Et du coup, en France, par exemple, faire accepter la guerre, c'est développer tout l'imaginaire de l'islamiste et du terroriste qui justifie qu'on aille bombarder des pays parce que là-bas, il y a des gens comme ça. Et du coup, les discours décomplexés, les discours racistes se développent, les actes racistes, et sont de plus en plus décomplexés, on les accepte et ça permet de justifier le fait qu'on aille bombarder des gens quelque part parce qu'il semblerait que ces personnes soient des terroristes et des islamistes, ce qui est toujours un discours comme ça très fallacieux et très hypothétique qui accompagne aussi des lois ouvertement islamophobes. Enfin, ça va ensemble de... faire passer des lois ici qui développent un imaginaire qui de fait méfiance. De la méfiance et de la suspicion populaire et tout ça. Et ça marche aussi pour les Russes, on dirait. Oui, tout à fait. Et ensuite, il y a toute la question de comment la guerre, elle perpétue au-delà du... Enfin, elle perpétue, elle se nourrit des pensées racistes et coloniales, mais aussi du patriarcat. Et que, par exemple, le viol, c'est une forme, c'est une arme de guerre comme une autre. Et c'est, elle est utilisée dans toutes les guerres. Et c'est, elle est notamment utilisée autour des camps militaires, par exemple. Il y a une exploitation sexuelle qui est toujours très, très forte. Même sans la guerre, quoi. Même. Oui, juste, voilà. Juste un camp militaire. La présence de militaires quelque part dans le monde, qu'ils soient en train de se battre ou pas, développe l'exploitation sexuelle de mineurs, de femmes, de personnes qui dévient des normes de genre et sexuelles. Et tout ça, c'est perpétué par la formation, de toute manière, même des militaires qui sont dans un cadre viriliste, masculiniste, qui développe tout un tas d'idées de hiérarchie, d'ordre, de punition. Et l'idée même, enfin l'essence même du patriotisme, quoi, qui fait que l'État est un patriarche qui éduque des soldats, et ces soldats deviennent eux-mêmes des patriarches qui développent toute cette pensée-là. Et qui utilise du coup comme arme, à part des armes physiques, enfin matérielles, on va dire, utilise le viol pour soumettre des peuples. Voilà, ça c'est un peu des idées très rapidement dites comme ça. Super. Mais évidemment, c'est pas très joyeux, mais en tout cas, ça mérite d'être creusé. Tout ce qu'on s'est dit, tout ce que vous nous avez dit. Seront en fait toutes ces choses-là, tous ces sujets seront creusés par vous-même et par nous-mêmes en fait, si on se rencontre. Du coup, peut-être qu'on peut rappeler la date, le lieu. Et ben, c'est dimanche 10 novembre, de 10h à 22h, à la MJC des Tilleuls, au 8 rue du Pavillon Chinois, à Saint-Étienne. Merci. Est-ce que vous vouliez rajouter un dernier mot ? Venez nombreux. Et il y a aussi tous les détails du programme sur le numéro 0.info. Oui. D'accord, super. Moi, j'ai l'habitude de terminer les émissions en disant « À bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. » Michel Fugain. Qui c'est qui est très gentil ? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant ? Très méchant. Économies déjantées et qui gaspille son argent, les méchants. Qui c'est qui vend des fusils déjantées? Qui c'est qui se retrouve devant les